Avez-vous déjà vu comme le ruisseau voyage pour atteindre la mer? Avez-vous déjà vu un étalon sauvage qui porte des œillères? Avez-vous déjà vu, même dans une cage, un lion sans sacrilège? On ne rase pas les lions quand on les met en cage.